La guerre en métropole. Raphaël Lewandowski, Rafik Zénine. Je suis venu en France en 1953. C'était le bateau El Jazair, c'est-à-dire le bateau Alger. On est descendu à Port-Vendres, pas à Marseille. Et après, j'ai pris le train. Quelqu'un m'a mis dans le train, je suis descendu à Paris. Et ce qui frappait mon imagination, c'était les immeubles. Je n'avais jamais vu, évidemment, des immeubles de cette importance, successivement, bien alignés. C'était vraiment un choc au niveau de l'imagination. Parce que, disons-nous qu'à l'époque, il n'y avait pas ni télé, ni radio. Il n'y avait rien du tout de toutes ces choses-là. Donc les images n'étaient pas véhiculées. Et donc le premier choc, c'était l'urbain. L'urbanisation, la multitude à partir de la gare, à partir du port même, de Port-Vendres. Et c'est ce qui m'impressionnait le plus. Comme Morand, les Algériens qui décident d'aller tenter leur chance de l'autre côté de la Méditerranée sont en grande majorité des hommes originaires de régions rurales et déshéritées telles que la Kabylie. Ils trouvent sans difficulté du travail dans les usines, les chantiers ou les mines. Car au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France est en pleine reconstruction. Les besoins en main-d'œuvre sont immenses. Pour les Algériens, la métropole représente une réalité quotidienne qui est aux antipodes de celle dans laquelle ils ont grandi et laissé leurs proches. C'est facile de quitter son village, ça dépend, qu'est-ce qui motive la personne. Djilali Leguima, né à Tizi Ouzou en 1931. Il y a des gens qui quittent son village parce qu'ils n'avaient pas de terre à travailler, ils avaient besoin de s'exiler, ils avaient besoin de se, comment dire, de travailler à l'usine, par exemple, parce qu'il n'y avait pas d'usine pratiquement en Algérie. Donc j'avais envie d'y aller pour apprendre un métier, voilà mon objectif. C'était pas autre chose. Voilà. Et là, je suis rentré dans une école de formation professionnelle. Voilà. Je n'ai pas travaillé pratiquement en usine comme manœuvre là. J'étais directement dans cette école de formation professionnelle. Quand je suis rentré dans cette école, nous étions dans cette classe, évidemment, une section de 25 stagiaires. À l'époque, on appelait les stagiaires. Sur 25, nous étions trois Algériens. Il y a un de Boussaada, un de Tlemcen et moi de Kabylie, bien sûr, à l'époque. L'école de formation nous a placés, les cinq premiers du groupe, dans une usine qui répond à peu près à la formation reçue. Eh bien, ils ont placé dans une usine qu'on appelait Eiffel. Eiffel, c'est celui qui a construit la tour Eiffel. Voilà. À l'époque, le syndicat ouvrier, c'était la CGT. Mais je n'ai pas pris ma carte de parti communiste. J'étais ma carte de CGTiste, tout simplement, avec tous mes collègues de travail, voilà, pour participer, soit à revendications, etc. C'est toujours intéressant parce que là, quand même, on se forme, on apprend à se défendre, pour ainsi dire. Donc, nous participons aux manifestations des travailleurs le 1er mai et le 14 juillet. Donc, entre-temps, quand je suis arrivé là-bas, j'ai adhéré au MTLD, le Mouvement pour le Télévent des Libertés Démocratiques, parce que mon frère était là-bas. Le MTLD, c'était le parti le plus solide, le plus important de l'Algérie. C'était le parti qui demandait l'indépendance par rapport aux autres réformistes. C'est-à-dire, à l'époque, M. El Hadj, il était évidemment l'adhère du MTLD. J'ai participé à une manifestation au mois de mai 1952, quand Messali a été arrêté et interné à Niort. Il y a eu une manifestation des militants du MTLD demandant l'indépendance de l'Algérie et la libération de Messali. Et la deuxième, c'était le 14 juillet 1953. Donc il y avait toute la direction du MTLD. Alors quand ils ont vu le drapeau algérien, la police a sauté sur le groupe qui avait le drapeau. Et c'est là qu'il y a eu une bagarre. Et ça s'est soldé par l'assassinat de sept. À l'époque, il y a six Algériens et un Français communiste. Pour nous, pour les Algériens ou les militants du MTLD, c'est une action qui a préparé, c'est le prélude, si vous voulez, de la guerre de libération. On se forge dans ces combats, en assistant à ces bagarres, en assistant à ces chants patriotiques. Le nationalisme algérien a pris naissance au milieu ouvrier français. Quand je suis arrivé là... Mohand Zeghar, né en Kabylie en 1938. J'ai trouvé des gens du Constantinois qui avaient un engagement politique. J'ai trouvé culturellement quelque chose. On allait dans le 18e arrondissement où il y avait un vieux militant qui s'appelle Rabah Serba. On était 4 ou 5. Il était chef cuisinier, 18 rue Ordinaire. Une fois que c'est fermé, on passait dans l'arrière-salle et il nous exposait la politique. Donc c'est lui, grâce à ses causeries politiques, il nous a dit par exemple d'aller au syndicat pour nous former. Mais il ne faut pas aller, par exemple, il disait au PCF. Parce que des syndicats, ils vous forment et vous restez en quelque sorte indépendant d'esprit. Mais si vous allez dans un parti, vous êtes enrôlé par ce parti. Vous pouvez être perdu pour l'organisation. C'est lui qui nous a dit, il faut lire au moins un journal tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et c'est lui qui nous a dit, bon, si vous êtes poursuivi par la police, vous êtes repéré lors d'une diffusion de tracts ou d'une action militaire, qu'est-ce que vous faites? Vous allez retourner là où vous vivez? Il ne fallait pas retourner là où on vit. Parce que si on retourne, la police va découvrir d'autres. Ils vont dire, il y a donc une cellule, il y a donc des sympathisants, il y a donc des complices. Il nous a dit, essayez dans une entrée d'immeuble, repérer des noms, ou des noms juifs, ou des noms espagnols. Parce qu'il a vécu la guerre civile espagnole. Et il sait ce qui s'est passé pendant l'occupation allemande. Il était militant à l'époque déjà du PPA, de l'Étoile nord-africaine. Et je me rappelle, je lui dis, mais comment, nous on ne connaît pas les noms espagnols et les noms juifs. Il a dit, bon, vous n'avez qu'à les apprendre. Il y a des noms, Garcia, Joseph, Rabal, il nous a cité comme ça quelques noms. Il a dit, parce que si vous sonnez chez un espagnol républicain réfugié en France ou un juif, s'il ne vous donne pas d'argent, s'il ne vous accueille pas, il vous dira, vous partez, mais il ne prendra pas le téléphone pour appeler la police. Et il nous a dit, pour éviter les rafles soudaines, donnez les rendez-vous le plus près possible des commissariats, le plus près possible d'une mairie et le plus près possible d'une cathédrale, enfin d'une cathédrale, d'une église. Voilà. C'est les lieux où la police intervient moins, et même si elle intervient, elle est moins portée à faire des excès parce qu'il peut y avoir des témoins qui oseront témoigner. Je me rappelle cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge. J'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village. Au début des années 50, le charismatique Messali Hadj demeure le leader incontesté du nationalisme algérien. Les autorités françaises l'arrêtent à de nombreuses reprises et elles le placent régulièrement en résidence surveillée. Mais elles ne parviennent jamais à en détruire l'influence considérable, notamment auprès des Algériens de France. Pourtant, au cours de l'été 1954, Messali est ouvertement critiqué par une frange de ses partisans. Ils estiment que sa ligne de conduite, qui consiste à obtenir l'indépendance de manière avant tout légale et démocratique, mène à une impasse. Dans la clandestinité, ils organisent un soulèvement armé sur le territoire algérien et ils créent le FLN, Front de Libération Nationale. Les militants qui étaient engagés, ils savaient qu'ils se préparaient un mouvement de lutte qui sortait des questions légales, des formes légales. On passait vers les formes violentes, c'est-à-dire la forme de la lutte armée. Mais ça, c'est les militants qui étaient engagés. Le 1er novembre, les journaux ont commencé à parler, les radios, on écoutait, et on disait donc, voilà, la lutte armée a commencé, on a commencé à parler du FLN, du Front de Libération Nationale. On a appris ça, à l'époque, c'était de la TSF. C'était même pas encore les transistors. Et il y avait toujours une radio dans le café. Et samedi et dimanche, on écoutait, on prenait le café ou un peu le petit déjeuner, et on écoutait les commentateurs. Tout de suite, on a eu l'information que ça s'est déclenché. Le 1er novembre 1954, nous l'avons vécu comme un jour d'indépendance. On l'a vu sur les grandes manchettes des journaux, en Algérie ceci, en Algérie cela. Dès lors où le peuple algérien a pris les armes pour se libérer, nous considérons que l'indépendance est déjà acquise. La journée du 1er novembre a été une journée inoubliable et qui a marqué vraiment l'Algérien et l'immigré en particulier, parce qu'on l'a senti à partir de l'immigration. D'ailleurs, beaucoup de jeunes immigrés à l'époque, quand ils ont vu ce qui s'est passé le 1er novembre, etc., ils étaient prêts à se jeter dans le feu, ils étaient prêts à rejoindre les maquis. Mais malheureusement, la déchirure et la blessure, c'est quand il y a eu création du MNA. Quand Messali a créé le MNA en décembre 1954. Là, évidemment, on commençait à s'interroger, qu'est-ce qui se passe ? Ce MNA, Mouvement National Algérien, refuse catégoriquement d'être absorbé dans un front commun combattant pour l'indépendance algérienne que le FLN souhaite diriger de manière unilatérale. Dès lors, les messalistes sont qualifiés de traîtres par les leaders du soulèvement armé. Bien qu'ils soient en réalité animés par la même soif d'indépendance et les mêmes revendications que ces derniers, les militants du MNA deviennent la cible d'une campagne de dénigrement systématique. Au cours de l'année 1955, le ton monte entre les deux clans et l'on se dirige tout droit vers une guerre fratricide et sanglante entre les Algériens de France métropolitaine. On ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Eh bien, nous sommes réunis dans la section où j'étais, où nous avons envoyé que nous connaissions, et on l'a envoyé au pays pour nous amener l'information exacte. Il y a quelqu'un qui a été envoyé de Kabylie, par Karim Belkacem, et qui, en France, il est venu avec l'habitude de là-bas. Il avait un fusil de chasse scié, où il ne paye pas de mine, mais c'est un ancien maquisard. Et pourquoi il est venu en France ? Ce n'était pas pour faire des attentats. C'était pour être la preuve vivante aux yeux des Kabyles que ceux qui dirigent le mouvement de libération nationale et les maquis en Algérie, c'est bien le FLN, que ça n'a rien à voir avec Messali et le MNA. Et donc il y avait une répercussion auprès des immigrés. Et comme ça, ça basculait. Le MNA était prépondérant à cette époque, au début. Mais il y a des cafés qui commençaient à lui échapper. Certains militants du MTLD et du PPA ont commencé déjà à prendre leur distance à l'égard de Messali. Messali, il a été consulté, mais il a refusé d'y aller avec ceux qui ont créé le FLN. Alors là, évidemment, on dit, bon voilà, il faut, les choses commencent à s'éclaircir. Alors donc, dès lors, l'information est officielle et venue du pays, nous avons transformé la section en cellule clandestine du FLN pour nous conformer à la clandestinité. C'est-à-dire, comme exemple, nous avons pris la structure de l'os de l'organisation spéciale. C'est-à-dire 2+1 ou 3+1. Et donc, nous avons transformé cette section en cellule et en groupe. C'est à peine. Donc, au fur et à mesure qu'on recrutait des militants pour le FLN, là est devenu un combat, si vous voulez, un peu relationnel. Voilà. Chacun essayait d'avoir des militants, aussi bien que du côté MNA que du comité FLN. Donc c'est là que nous recrutons les gens, qu'on leur disait non, l'information réelle, c'est le FLN et non le MNA. J'avais 16 ans. Abdelkader Bakouche, né en 1938. J'ai commencé la 17e année, il y avait beaucoup d'arrestations. Tous les enfants ou les fils de Moudjahidine ont été prisonniers et on m'a ordonné de partir en France. Parce que je ne pouvais pas rejoindre le maquis, j'étais jeune. Je n'avais pas cette taille-là d'aujourd'hui. Et on m'a conseillé de partir en France. Ce que j'ai fait, je suis parti à Marseille. Et de Marseille, j'ai commencé à militer dans les rangs du FLN. À Marseille, on recrutait d'abord les éléments pour convaincre que ce n'est pas le messalisme, ce n'est pas Messali Hadj qui a déclenché la révolution, c'est le FLN et l'ANN, le CRUIA, le comité révolutionnaire de l'armée de l'air. Ça a commencé à donner beaucoup plus d'ampleur, parce que les messalistes étaient très nombreux, très forts, il fallait les convaincre. L'organisation, elle avait quelque chose de solide, de très fort, c'est le cloisonnement. Vous formez une cellule avec 3 à 5. Mais les cellules entre elles ne se connaissent pas en principe. Il y a un responsable de section qui a la responsabilité de 3 ou 4 cellules. Et donc, il y avait vraiment un cloisonnement, parce que notre hantise, c'est s'il y a des armes ou des tracts, comment faire pour ne pas tout d'un coup être surpris par une rafle de police. Vous savez quoi, l'habitude à l'époque. Tout d'un coup, ils rentrent dans un café-restaurant. On est, je ne sais pas, 30, 40, et immédiatement, carrément, tout le monde est debout, et ils vous fouillent. Si vous avez une arme, si vous avez des tracts, si vous avez un journal clandestin, tout de suite, le fourgon. Moi, je participais activement à la diffusion de tracts. Je devais annoncer le titre et une ou deux idées principales. Puis il y a quelqu'un qui diffuse sur les tables et quelqu'un qui surveille à la porte. En général, on est au moins 3. Parce qu'il faut faire vite. Mais à l'époque, il n'y avait pas de portable. Donc s'il y a un infiltré ou un indicateur, il faut qu'il aille prendre le téléphone avec fil. Il lui faut quand même quelques minutes. Mais nous, on a réglé l'affaire en une minute ou deux. Et donc, moi, j'annonçais en français, en kabyle et en arabe. J'annonçais le titre ou l'idée, les deux ou trois idées du tract, pour les inciter à lire le tract. Et puis, tout de suite, on disparaît. La Fédération de France du FLN, si vous voulez, elle se développait au fur et à mesure. Jusqu'à 1956, nous avions à peu près moitié-moitié. Le FLN, il avait à peu près dans les 20 000 militants, et le MNA également, il avait 20 000 militants. Mais le drame, c'est quand le MNA a commencé les assassinats au sein du MTLD et qu'ils sont devenus FLN. Alors là, ça a pris une autre tournure. Ouais. Nous avons continué toujours le dialogue avec les émigrés, mais ce qui nous a aidé davantage, c'était la préparation de la grève des 8 jours. Et cette grève des 8 jours, nous l'avons préparée à partir de septembre 1956. Pourquoi ? Parce que il y a la question algérienne qui a été inscrite à l'ONU, donc c'est pour renforcer la question algérienne aux Nations Unies qui devait se tenir au mois de février 57. Donc, là, nous avons mené des campagnes dans les hôtels, des campagnes dans les foyers nord-africains pour convaincre les gens et rentrer directement au FLN. Mais le MNA, il a dit non, une journée. Une journée de grève, c'est pour casser le FLN. Alors donc, cette grève, évidemment, des gens avaient peur de se faire virer du travail, l'ouvrier, et les commerçants avaient peur d'une mesure administrative. Donc il faut les convaincre à accepter, à se libérer de cette peur. Ils nous ont apporté la directive à partir du 28 janvier, tout Algérien doit s'arrêter de travailler. Mohamed Gafir, né en 1934. Et bien donc, la directive, elle a été suivie. Les messalistes, ils ont fait le contre-propagande derrière nous, dans les cafés. Et moi, à Clichy, j'ai envoyé une cellule militante avec les tracts pour les distribuer dans tous les quartiers. Même les quartiers messalistes, on a distribué des tracts. Donc, le MNA a fait une journée. Et puis là, il a distribué des tracts aidés par la gauche française à l'époque, une partie de la gauche, c'est-à-dire les trotskistes, mais une journée, tandis que nous sommes restés 8 jours. Donc le premier jour, il y a des gens qui ont fait la grève, certains ont travaillé, le deuxième jour, également certains ont travaillé, on dit non, il faut prendre des sanctions. Mais le troisième jour, c'est la quarantaine. Et bien, les gens n'allaient plus travailler. Donc, il y a des régions où il y avait une forte concentration d'Algériens, d'immigrés. On est arrivé à 85% de grévistes dans les usines. il y a 75, 85, presque jusqu'à un certain endroit, 90%. Le FLN est sorti fort pendant après cette grève. Et là, on a commencé à faire du quadrillage. Du quadrillage quand on avait la majorité. Dans cet hôtel, il y a une cinquantaine de locataires, et il y a 40 qui sont FLN. Alors les autres, ceux qui ne voulaient pas rentrer au FLN, ils sont partis ailleurs. Il y a eu des groupes qui se sont constitués maintenant. Il y avait des cafés, évidemment, qui sont restés FLN, et d'autres qui sont créés MNA. C'est là, il y a eu, si vous voulez, une séparation entre le FLN et le MNA. On a commencé à exécuter le principal chef du MNA. À Marseille, je me rappelle très bien, parce que c'est une date historique, c'est mes premiers attentats, nous avons abattu 4 grands chefs messalistes. Un, je l'ai abattu à Lyon, à la troisième cuillerée de la soupe, je lui ai mis 2 balles dans la... Je l'ai tué sur place. Dans un grand restaurant, grand chef, et je suis rentré, je lui ai donné 50. On ne tire pas de loin, on ne visait pas, parce qu'à 2 mètres, on peut abattre quelqu'un. À 5 mètres, tu ne peux pas, peut-être. La tempe, directement. La tête ou le cœur. Moi, j'avais un Colt 11-45, qu'il pesait plus dur que ma main. Et on le cachait quand on arrive devant la personne, on l'abat. Et on va donner le pistolet au premier responsable qu'on rencontre, voilà, la dame qui nous accompagne. On reçoit les instructions. Nos chefs, notre chef, nous donne les instructions, allez-y faire l'attentat contre ce... On ne sait pas appeler où il va, où il est, on ne connaît pas. Nous, les armes qu'on utilisait au logique, il y avait quelqu'un toujours, soit une femme ou voilà, un homme, pour prendre l'arme et le casser, le prendre. Et nous, quand on fait l'attentat, on est sans armes. Même quand la police nous arrête, on n'avait ni armes, ni couteaux. Je ne regrette pas. Tous les attentats, tout ce que nous avons fait pendant la Révolution, ou que j'ai fait en tant que responsable, un des éléments responsables de la spéciale, je ne regrette absolument rien. C'était le devoir. On les exécute ou là, ils vont nous exécuter. كل يوانني ذا يروح كل حد يلهاد الشغل كل حد يلهاد الشغل عزيز الروح ويدي غي حرزن من المشطوح أم خامد جاني مولاني Et l'année 57, c'est une année charnière pour nous. La grève de 8 jours nous a apporté un bord d'oxygène. Alors, on a engagé le recensement, justement, de tous les Algériens. Dans tous les cafés, dans tous les nets, il fallait les structurer. La Fédération du FLN en France a créé des structures, justement, appropriées pour que tout le monde soit rentré. L'opération quadrillage, février, mars, avril, mai, jusqu'à la fin de l'année 57... En juin, j'étais responsable quand même de toute la banlieue nord. Moi, j'avais ma moto à l'époque. Je sillonne tous les quartiers et même je vais jusqu'à dans le 13e, etc., un peu partout dans Paris. Il nous arrive même de me réunir dans les métros. Dans un mouvement, il y a une hiérarchie. On monte, évidemment. On commence par la cellule, responsable de cellule, responsable de groupe, section, secteur, région. Voilà un peu la hiérarchie. En 1956, j'étais responsable de ce et secteur, passé secteur rapidement. Quand il y a eu donc le regroupement des militants, on a élargi la structure. Donc c'est là qu'on a créé des échelons en plus. Là, évidemment, je suis passé comme permanent à l'époque responsable de région. Et là, quand je suis devenu responsable cadre permanent, je suis payé par l'organisation comme permanent à l'époque. Ils nous donnaient 45 000 par mois. Et de là, évidemment, il y a le grade de région, puis zonal et puis super zone, au fur et à mesure jusqu'à la wilaya et jusqu'à la fédération. Le FLN a créé des permanents itinérants à travers les grandes villes de France. C'était là que le FLN, évidemment, a fait sa toile d'araignée. Alors, il y avait la wilaya de Paris, la wilaya de banlieue, la wilaya du Sud et la wilaya du Nord. Les quatre wilayas qui sont constituées fin 57, début 58. Dès qu'il y a l'adhésion, automatiquement, il y a une cotisation. Les débuts, ça a commencé à 1000, et les passés à 2000, et à partir de 58, à 3000 par ouvrier. Bon, là où les ouvriers, ça permet la constitution de la fédération, que la fédération est devenue le trésor du FLN, est devenue le trésor du GPRA. À partir de 58, on arrivait à 400 millions par mois. On commençait à ramasser les cellules, les groupes, les sections, les petites sommes, comme ça, et puis ça monte jusqu'à la fédération. C'est là que nous avons récupéré des Français qui ont travaillé avec nous, qui nous ont permis absolument de garder l'argent là où la police ne se doutait pas. C'est cet ensemble d'astuces comme ça qui a fait de la Fédération de France ce qu'il est devenu. Moi, je voulais aller rejoindre les maquis. Et on m'a dit, pour rejoindre les maquis, il faut passer par des tests. C'est-à-dire faire des opérations armées, ou en France ou ailleurs, qu'importe. Et donc, il fallait aussi avoir un entraînement pour l'utilisation des armes. Nous avons eu un entraînement de tir dans une cave à Gennevilliers, où on a mis contre les murs les matelas. On a appris à tirer là. On a eu même un blessé, quelqu'un qui s'est blessé bêtement lui-même à la main. Et on a appris là, parce qu'on ne pouvait pas aller à l'extérieur. Si vous voyez des jeunes Algériens aller en Sologne, par exemple, apprendre à tirer, immédiatement ils seront repérés. Vous ne pouvez pas passer inaperçu à l'époque. Vous êtes repérés très vite. Nous étions des militants de base, des choquistes, du groupe armé, et du groupe armé passer à la spéciale, l'organisation spéciale. L'organisation spéciale, c'est une organisation ultra sophistiqués. Et les éléments qui sont dans la spéciale, on ne dit pas qu'on est meilleur que les autres. Mais nous avons fait des preuves d'action que nos responsables politiques, responsables organiques, responsables armés, qui sélectionnent les éléments pour passer à la spéciale. Nous sommes des soldats armés en civil. Chaque wilaya avait ses propres éléments, ses propres choquistes, groupes armés. Et à l'époque, nous n'étions que 12 éléments. Et c'est de là les responsables que nous ont désignés ou choisis pour partir faire le stage au Maroc. Et de là, nous avons fait une formation très accélérée. Je crois 3 ou 4 mois. Cross, combat, judo, tout le sport nous avons fait pour être très actifs. Quand on a passé le parcours des combattants, j'étais désigné pour le faire, j'ai passé le parcours des combattants avec le montage et remontage de l'arme Astra espagnole en 1 minute 10 secondes. Le parcours complet avec montage et remontage de l'arme, 1 minute 10 secondes. On est reparti sur la France pour des actions militaires et économiques. L'économique, c'était les grandes stations pétrolières, à commencer par Mauripiane. Il y avait Le Havre, il y avait Rouen, il y avait Bordeaux, il y avait Brest. C'est-à-dire l'action de la spéciale, 283 attentats le jour même, le 24 août 1958. 283 attentats faits en France, de Brest à Marseille. les commissariats, les commissaires bureaux, les traîtres, etc., on est tous passés. Nous étions des volontaires de la mort, on ne craignait pas la mort. On ne parlait pas avec les nôtres, même ta famille, on n'était pas en contact. On ne peut pas parler avec eux, ou qu'est-ce qu'on fait pas. Ni avec les amis. Uniquement nos responsables qui venaient nous donner des instructions pour faire ce qu'il y a lieu de faire. Vous avez un objectif à atteindre, il faut l'abattre, c'est tout. Le groupe a été partagé en deux fractions. Les éléments pour des actions contre les personnalités et les autres contre l'économie. Nous étions le groupe de 6. On avait des personnalités françaises, Pinault, la Gaillarde, etc., qui venaient en France. Mais le plus grand, c'était Jacques Soustelle. Jacques Soustelle, qui était gouverneur général ici en Algérie et ministre de l'information en France. C'était le premier à abattre. À la fin de l'été 1958, la Fédération de France du FLN peut estimer que la victoire sur le MNA est acquise. Elle lance alors ses commandos de l'organisation spéciale dans des attaques ciblées contre des objectifs militaires, politique ou économique français. L'objectif est d'ouvrir ainsi un second front en métropole afin de soulager le maquis qui connaît de sérieuses difficultés face à l'armée française en Algérie. Le FLN espère ainsi contraindre Paris à disperser ses forces, accroître ses dépenses militaires et son budget de répression, prendre des mesures politiques impopulaires. Mais il s'agit aussi d'ébranler l'opinion publique française. À 10h moins le quart ce matin, M. Soustelle, ministre de l'Information, a été victime d'un attentat. On pourrait dire un double attentat qui s'est produit exactement à l'angle de la rue de Tilsit et de l'avenue de Friedland. Un tueur attendait le ministre qui passait dans sa voiture, qui est une DS-19, et passa au moment du ralentissement à cause justement du feu rouge, passa sa main à travers la vitre et déchargea son chargeur de Colt sur le ministre qui eut la présence d'esprit de se planquer dans le fond de la voiture, de s'étaler dans le fond de la voiture, et ainsi toutes les balles passèrent à travers lui, et même à travers ses vêtements en particulier, le blessant légèrement au côté. Le ministre, après que l'inspecteur qui l'accompagnait et le chauffeur fussent sortis rapidement de la DS pour tirer sur le terroriste, fut donc lui-même sorti de la voiture, debout, et c'est à ce moment-là qu'un autre terroriste, avec une mitraillette, mais le ministre eut le temps de le voir sortir sa mitraillette, et il se jeta à nouveau à terre, ce qui fait que le deuxième tueur n'eut pas la possibilité de toucher M. Soustelle. J'ai fait partie de l'arsenal, enfin de l'arsenal, c'est-à-dire de ceux qui pouvaient convoyer des armes. Et les personnes qui devaient convoyer ces armes, ils ne devaient pas être typiquement reconnaissables, si vous voulez, identifiables. Il fallait qu'ils soient châtains, blonds, enfin, vous voyez. Et nous, on les a réceptionnés de quelqu'un qui nous les a déposés tout de suite dans le coffre de la voiture et on devait les déposer ailleurs. Et sur la place Marcel Samba, à Boulogne, il y avait un barrage de police. Et avec des mitraillettes, nous ont arrêtés. Arrêtez-vous, il fallait sortir évidemment, on était deux. Et puis bon, ils ont fouillé, ils ont trouvé des armes dans le coffre. Mais à l'époque... La garde à vue n'était pas limitée. Je crois qu'on nous a gardé une semaine. Je ne me rappelle pas si c'est 5 jours ou 6 jours. Et ils voulaient qu'on parle de... Justement, il y a eu un attentat. Ils voulaient qu'on parle de cet attentat. Mais on ne sait pas ce qu'il y a eu. Est-ce que ça a été utilisé ou pas? On ne savait pas. Mais eux, ils voulaient absolument savoir si on connaissait les personnes. Si, évidemment, ils faisaient une investigation très poussée. Avec des moyens très poussés aussi. Et on a été torturés. D'abord, vous êtes mis dans une sorte de petite cellule, là, debout, pour vous épuiser, hein, pour que vous ayez moins de force physique, morale, etc. Et puis, j'ai reçu des coups et j'ai beaucoup saigné. Et comme j'ai saigné, le commissaire a dit, enlevez-lui la chemise, et ils nous ont donné une autre chemise. Ils avaient des techniques très spéciales. Alors, ils ne vous brûlent pas sur les mains parce qu'il ne faut pas laisser de traces, c'est comme pour le sang. Et je me suis fait avoir, ils m'ont dit, vous voulez une cigarette? Et donc, ils vous donnaient des cigarettes papier maïs. Et la cigarette, vous collez à la lèvre. Vous ne pouvez pas l'enlever parce que vous avez les mains enchaînées. Donc, à partir du moment où elle colle à la lèvre, elle continue à se consumer. Ils ne vous l'enlèvent pas. Donc, vous êtes brûlé à petit feu. Parce que ce n'était pas une torture comme ce qui se pratiquait en Algérie, où on laissait des lambeaux entiers, où vous êtes vraiment esquinté hein, par différents moyens de torture. Ici, ils faisaient attention, il faudrait qu'elle reste dans des limites non décelables, en quelque sorte. Parce que la proximité, le cadre légal, pouvait avoir des répercussions. Le directeur général de la DLT, c'était Vibo. Il avait un adjoint torsionnaire et des policiers. Il y a un policier qui venait spécialement d'ici d'Algérie pour nous torturer parce qu'il savait les tortures comment se... pour faire parler les Algériens. Un torsionnaire numéro un. L'électricité, l'eau, la javel, les plus atroces tortures, on les a faites. 7 jours. Du 1 jusqu'au 7. Et ces 7 jours étaient vraiment les plus atroces. Les harkis sont venus me kidnapper pour m'emmener dans une cave où j'ai passé une semaine. Et dans cette cave, c'était ce capitaine que Debray, par l'intermédiaire de Papon, ils l'ont ramené d'Alger pour pacifier Paris. Alors c'est ce capitaine lui-même qui a dirigé l'opération. Alors, il dit non, tout ce que j'ai à déclarer, je l'ai déclaré à la police, c'est tout, j'ai rien d'autre à déclarer. Ils ont essayé, ils disent non. Bon, il y a eu des tortures qui m'ont marqué, qui ont laissé des séquelles, mais il fallait, à l'époque, c'est la vie ou la mort. À ce moment-là, ils ont attendu pendant une semaine, il n'y a pas eu de résultat, ils m'ont, à ce moment-là, envoyé au dépôt. Quand ils m'ont envoyé au dépôt à la préfecture de la Seine, j'ai fait une déposition que j'ai envoyée à mon avocat. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans cette déposition minute par minute de tout ce qui s'est passé avec la torture, parce que quand je suis arrivé là-bas au dépôt, alors j'étais tout bleu, méconnaissable, parce que quand il nous arrive à ce résultat, il ne nous envoie pas en prison. Parce qu'en prison, automatiquement, ils alertent les plaintes, etc. Alors, j'ai fait une déposition que j'ai intitulé « Une semaine chez les faux frères ». Alors, j'ai dit « faux frères », parce que quand j'ai demandé un médecin, on m'a envoyé un infirmier. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit « écoutez, voilà, voilà. Qu'est-ce qui vous a fait ça ?» J'ai dit « les harkis ». Il m'a dit « sont vos frères ». Ah bon, c'est mes frères. C'est là que j'ai dit « alors, une semaine chez les faux frères ». Ils ont demandé, évidemment, le passage d'un médecin. Bon, il passe un mois après, c'est fini, hein, c'est... Alors, vous pouvez raconter au juge, hein, Batigne ou le juge Pérez, j'ai été torturé par tel et tel moyen, mais il faut le prouver. Un mois après, c'est fini. Il n'y a plus de sang, il n'y a plus de cicatrices, il n'y a plus de... Et je suis passé chez le juge Pérez, et il a signé donc la mise sous écrou, on disait ça autrefois, l'inculpation et la détention. Vous savez, quand vous arrivez en prison... D'abord, c'est un autre monde. Vous êtes en terrain inconnu et vous passez les premières nuits au rez-de-chaussée avant d'être affecté au quatrième étage de la deuxième division en haute surveillance. Dans notre situation, en tout cas, hein, on vous observe comment vous vous comportez pendant quelques jours. C'est un autre monde. Vous passez vers une situation de précarité absolue, d'inquiétude, où le jour et la nuit ne se distinguent pas beaucoup. Vous n'avez évidemment plus les rythmes de la vie habituelle. Le matin, on passe avec la petite gamelle de café ou le quart de café, on vous donne ça à la louche. Et puis vous avez les repas de midi et du soir. Et puis un petit robinet d'eau qui coule aussi du côté des WC. C'est une table accrochée au mur et un lit de paille. Un matelas de paille par terre, le long des tuyaux de chauffage, c'est tout. Et c'était quoi ? 8 mètres carrés, la haute surveillance, on est toujours tout seul, sauf à un moment donné, on était trois quand on a obtenu le régime politique. Et donc on a dû attendre 2 ans. Alors moi j'avais un avocat, c'était Mourad Oussadik, et puis Michel Beauvillard, et René Stib, des gens qui ont fait beaucoup pour la liberté, pour l'Algérie, pour... J'avais donc 3 avocats. Ils venaient à tour de rôle, à peu près une fois tous les mois, mais selon les procédures. Et c'était une bagarre permanente. Alors, là-bas, on pouvait protester. Parce qu'à l'extérieur, quand on recevait des coups, ou quand on était bousculé ou arrêté, on ne pouvait pas se réclamer du FLN. Alors qu'en prison, on n'avait plus rien à perdre. Pour moi, c'était aussi un peu une libération. Paradoxalement, du fait qu'on pouvait réagir et s'assumer en tant que politique. Toute chose qu'on ne pouvait pas exprimer et manifester à l'extérieur. Notre corps, je dis physiquement, on était emprisonné, mais mentalement, on pouvait, au fond, afficher ce qu'on est. Et ce qu'on est, on est des politiques. Or, ceci nous était contesté tout le temps. Quand on sortait dans la cour, et ils nous demandent de se mettre l'un derrière l'autre, et puis parfois avec des injures, parfois on dit on ne sort plus. On proteste. Ou alors on retourne dans notre cellule. Et même s'il y a des coups, ils nous rentrent dedans... Nous, on s'affiche, si vous voulez. Donc, notre obsession, si vous voulez, c'est de s'afficher en tant que politique. En juillet, donc, j'étais condamné à 2 ans. Le 8 octobre 1958, je repasse en appel, à la 10e chambre d'appel. Le GPRA a été créé en septembre 1958, le 19 septembre 1958. Eh bien, le hasard a voulu... C'est moi le premier, je ne sais pas si je suis le premier ou le deuxième. Le 8 octobre 1958, ça veut dire 19 jours, 18 jours après la constitution du GPRA, je comparais en appel. Et bien donc le jour J, Ouamé Mourad Oussadik, il vient tous les 2 jours, il vient me voir au parloir. Là. Il vient me voir, et il dit, allez debout. Le procureur, il va prendre les dossiers. Gafir Mohamed, voilà, vous êtes condamné à 2 ans de prison. Vous avez fait appel, qu'est-ce que vous avez à déclarer? Et on se dit, regardez, tu fixes le président d'une manière agressive. Quand il termine, il te pose la question, tu réponds. Aïe. Monsieur le président, nous sommes des Algériens. À ce titre, nous n'avons fait que notre devoir au service de la révolution de notre peuple. Nous nous considérons comme des soldats qui se battent et savent mourir pour leur idéal. Ainsi, nous faisons partie intégrante de l'armée de libération nationale. Nous avons des chefs à qui nous devons obéissance. Nous avons un gouvernement provisoire de la République algérienne qui est le seul à nous administrer sa justice. Nous déclinons ainsi la compétence des tribunaux français, quel que soit votre verdict. Nous sommes convaincus que notre cause triomphera parce qu'il est juste et parce qu'elle répond aux impératifs de l'histoire. Face à ce tribunal, nous observons une minute de recueillement à la mémoire des martyrs algériens morts pour leur patrie. Garde à vous! Vive l'Algérie libre et indépendante, vive le Front de Libération Nationale et son ALN, vive la République algérienne, vive la Révolution algérienne. Et merci. Quand j'ai fait mon discours, pourquoi je me suis engagé dans la lutte anticoloniale, la lutte de libération pour l'indépendance, pour la liberté, pour la dignité, le président m'a posé la question, il m'a dit, mais vous, pourquoi alors vous êtes d'accord pour tuer des Algériens, qu'ils soient MNA, Harkis, etc. Il a élargi le champ vers les Harkis. Et je me rappelle, on était deux avec mon collègue Kanoun Saïd. Je lui ai dit, mais alors vous, qu'est-ce que vous avez fait avec les collabos au lendemain de la libération? Et le colonel Henquin, qui était commissaire du gouvernement, il a dit au président, monsieur le président, je proteste qu'il y ait cette comparaison. Or, cette comparaison, je l'ai faite parce que je la ressentais comme telle, et parce que je l'ai apprise aussi dans tous les écrits, dans tous les articles que j'ai lus. Hein. Et pour moi, notre lutte, c'était pour la libération nationale. Et donc, la lutte des Français contre l'Allemagne nazie, c'était une lutte aussi contre l'occupant. Alors même, évidemment, les situations sont différentes. Mais à l'époque, moi, avec mes 20 ans, je voyais une lutte de libération et une autre lutte de libération. Et malgré la protestation du colonel Henquin, qui était le procureur. Et plus tard, Nicole Dreyfus m'a dit, tu sais Rachid, tu sais qu'au tribunal de la rue du Cherche-Midi, il n'y a jamais eu de condamné à mort. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que c'était un ancien résistant qui a été déporté par les Allemands. J'étais condamné à 15 ans de travaux forcés. Et le colonel Henquin, le procureur, a demandé la perpétuité. Le 1er novembre 1958, nous avons commencé la grève de la faim. Pendant 20 jours, on ne mangeait ni absolument rien. La première semaine, on avait, je crois, un sucre. Un sucre et de l'eau à boire. Après, on nous a coupé le sucre. 20 jours. L'impact politique. 12 000 détenus en France faisant la grève de la faim, mourir pour l'Algérie indépendante. 20 jours, vous savez, c'est pas rien. Notre première revendication, c'était obtenir le droit de disposer de journaux pour avoir de l'information. Les journaux, bien sûr, au quotidien ou hebdomadaire, ils étaient interdits. Alors, les avocats nous passaient des journaux quand ils venaient. Vous savez, les avocats, ils ont des cartables très, très gros. Et donc, quand on allait au parloir au rez-de-chaussée, on était reçu en tête-à-tête avec l'avocat. L'avocat pouvait laisser traîner sur la table un journal. Vous prenez le journal, si on vous intercepte à la sortie, ben, vous allez au mitard. Hein. Le mitard, c'est la prison dans la prison, comme vous le savez. Alors, moi, ça m'est arrivé une fois, juste à la sortie du parloir, où il y avait quatre gardiens d'un côté, quatre de l'autre, qui m'ont intercepté, qui m'ont neutralisé, qui m'ont fouillé, et qui ont découvert France Observateur sous la ceinture. J'ai passé 15 jours de mitard pour ça. On a eu, comme première revendication, les journaux, l'alphabétisation, et notre autodiscipline qu'on s'appliquerait nous-mêmes pour que l'administration pénitentiaire n'interfère pas trop dans notre mode de vie, etc. Les négociations étaient évidemment conduites par Madame Simone Veil, qui était responsable directrice de l'administration pénitentiaire, avec le ministre de la Justice Edmond Michelet, qui était un ancien déporté à Buchenwald, comme elle. Donc, ils avaient le souci et la sensibilité pour que les grèves de la faim ne perdurent pas indéfiniment et qu'il n'y ait pas des morts au bout du compte. Il y a eu un premier accord favorable. Et puis, il a été remis en cause. C'est-à-dire, par exemple, ils nous ont dit, non, vous ne pouvez pas recevoir Libération, France Observateur, vous pouvez recevoir l'Aurore, le Figaro, Point de vue, vous savez, la revue là, des princes et des princesses, noir et blanc, bonne soirée. Alors, vous rendez compte, nous, en tant qu'Algériens venant de nos montagnes, comment on était intéressés par la revue Bonne soirée. Et donc, il y a eu la deuxième grève, où après, on a obtenu ces revendications, les journaux, l'alphabétisation en français et en arabe, et l'ouverture des cellules pendant 2 heures, dans l'après-midi, chaque jour. Et l'autodiscipline que nous appliquions nous-mêmes, pour nous-mêmes. C'était la deuxième grève de juillet de 18 jours. C'est une façon de nous émanciper et de montrer le caractère d'organisation que nous avions. Et on avait une organisation stricte. Aucun surveillant n'a été tabassé ou agressé en quoi que ce soit. Mais on faisait respecter notre dignité. On ne voulait pas non plus être injurié, ni être mis au mitard comme ça de façon injuste. Et là, ça a été toujours une bataille, parce que nous reconnaître comme des politiques, c'était nous reconnaître comme, au fond, quasiment des citoyens, avec tout ce qui va avec. C'est-à-dire, nous ne sommes plus des inférieurs, des sujets inférieurs. On peut se prévaloir des mêmes droits, des mêmes devoirs, mais des mêmes droits. Nous étions 1200 détenus à Plaine. Un seul mot d'ordre, tout le monde appliquait. C'est-à-dire, on était très, très, très organisés en prison. Nous étions presque une république dans une république. Tous les mois, nous recevons 5000. 5000 francs par mois pour chaque détenu. Et de là, il y avait le comité qui dirigeait. L'argent est centralisé dans une caisse par des responsables. Tout l'argent rentrait à la caisse. Et on achetait de tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire le sucre, le café, le thé. Et c'est réparti. Tu fumes des cigarettes, on te donne un paquet. Tu fumes pas, on te donne pas. Et c'était très, très organisé. Pour des éléments qui ne savent ni lire, ni l'arabe, ni le français, alors on a offert des écoles et ça a donné des fruits colossaux. C'était une école de formation à présent, sous l'égide du FLN. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il peut avoir un poste à galène. Poste à galène, c'est un poste qui n'est pas le transistor, hein, c'est à charbon avec deux plaquettes argentées. Qu'on a payé avec des paquets de cigarettes, on s'est cotisé avec des paquets de cigarettes, le gris qu'on avait en prison, et que je branchais sur le tuyau, la conduite d'eau chaude de la cellule. Le soir surtout, on entendait France 3 à l'époque, l'ORTF française. Il y avait une émission de Jean Amrouche, qui s'appelle, cette émission s'appelle Des idées et des hommes. Et donc, je suivais cette émission parce qu'à un certain moment, il y a des flashs d'informations. Et donc, je piquais les principales informations et je constituais comme ça ma feuille, enfin, ou les deux feuilles sur le cahier du bulletin d'information. Eh bien, il n'était pas tout à fait 11 heures lorsque les hélicoptères ayant à leur bord les négociateurs algériens se sont posés à proximité de l'hôtel du Parc à Évian. Il y avait trois hélicoptères. Dans le premier avait pris place M. Belkacem Krim, Saad Dalab et Ben Tobal. Dans le second, M. Yazid, Malek et Ben Yahia. Et dans le troisième, d'autres membres de la délégation algérienne. À l'heure qu'il est, je ne sais pas si cette première séance de travail est terminée. Mais il est probable en tout cas que les conversations, sinon pour cette première réunion, tout au moins pour les autres, se poursuivront à un rythme accéléré. Nous ne connaîtrons certainement pas les temps morts que nous avions connus lors des dernières rencontres officielles. Nous ne connaîtrons certainement pas non plus, c'est tout au moins le bruit qui courait hier soir parmi les journalistes, nous ne connaîtrons certainement pas non plus les conférences de presse quotidiennes que tenaient l'année dernière par exemple à Genève et à Évian les porte-paroles des deux délégations. On pense que le silence, une fois de plus, sera respecté jusqu'au bout et que seulement le dernier jour, une conférence de presse des deux porte-paroles marquera la fin de cette négociation. Quoi qu'il en soit, je vous le répète, les deux délégations ont affirmé chacune de leur côté leur détermination de mener la discussion à son terme logique, c'est-à-dire le cessez-le-feu. Malgré les bruits qui circulaient depuis quelques jours, il ne semble pas que les difficultés soient sérieuses et l'on peut considérer ici, aujourd'hui encore, que l'optimisme est de rigueur. C'était Claude-Paul Pajard qui vous parlait d'Évian, radiodiffusion télévision française. On savait ce qui se passait, et puis il y a eu la signature des accords d'Évian, donc le cessez-le-feu à partir du 18 mars. On a été libéré exactement après le référendum du 12 avril. C'était prévu ainsi. Il fallait que le peuple français avalise les accords d'Évian par le référendum. Et donc ceux qui étaient pris les armes à la main ne devaient être libérés qu'au lendemain des accords d'Évian avalisés par le référendum en France. C'était la grande joie et c'était le jour de la foi. Joie et triste à la fois. voyez, on était content, évidemment, de voir l'indépendance, mais on se rappelait de ce qui s'est passé. Excusez-moi, ça va. Donc, on a parlé de tout ce qui s'est passé pendant la guerre. C'est là, si vous voulez, donc, il y avait la joie et les pleurs à la fois, le même jour, au même moment. Là. Alors, c'est parce que là, on a parlé de ce qui s'est passé, comment on est arrivé à cette fin, évidemment, avec le nombre de morts, les sacrifices qui ont été, évidemment, subis par les Algériens. Il y a 20 ans, il y a certaines choses que je n'aurais pas pu dire. Soit parce que c'est trop vivace, c'est des blessures intimes. Soit parce qu'on a envie de vivre en ayant mis ça de côté, en ayant refoulé tout cela. Il y a des situations qu'on n'a pas envie d'aborder. Je pense qu'on fait une sorte de sélection, malgré sa volonté, on passe à autre chose. Et il y a des aspects très, très intimes, comme ça, où, sur lesquels on ne veut pas revenir. C'était pas possible, parce que c'est quelque chose qui touche à l'intime, à des blessures qui peuvent s'ouvrir et je crois qu'on a envie de refouler les choses. La guerre en métropole, un documentaire de Raphaël Lewandowski, réalisé par Rafik Zénine. Mixage, Olivier Dupré. Coordination, Perrine Kervran et Marivonne Abolivier.